Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle interview à la Paris Games Week. Vous en avez l'habitude depuis le début du mois de décembre. On discute avec les développeuses et les développeurs présents sur place. Et aujourd'hui, on accueille Brice Grolier. Comment ça va, Brice ? Très bien, enchanté, un plaisir d'être là. Eh bien, plaisir de te recevoir, développeur de Ivy, développé par Out of Time. On va revenir sur le Tower Defense, ce qu'est Ivy, d'ici quelques instants. Mais avant toute chose, on va parler du studio Out of Time. Combien vous êtes, depuis combien de temps vous êtes formé? Je veux tout savoir, surtout sur le studio. Alors merci, on est un tout jeune studio, on est quatre, on est basé sur le bassin cannois, trois cofondateurs et on a un employé à plein temps qui s'occupe du travail d'art. Et c'est une chance en fait, on vient tous de différents backgrounds, on a un petit peu d'expérience dans le JV, mais on n'était pas épanouis là où on se trouvait, donc on a dit on tente notre chance, on s'y met et maintenant on vit notre rêve. Il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de développeurs autour de Cannes parce que c'est pas vraiment un endroit où justement développeurs de jeux vidéo ont pour l'habitude de se réunir. On parle plutôt du bassin lyonnais, de Bordeaux, ça commence à émerger du côté aussi de Rouen, du côté aussi de quelques autres zones géographiques. Qu'en est-il de Cannes ? Bah effectivement, on n'est pas nombreux à Cannes. À ma connaissance, on est trois actuellement. On était quatre, mais il y en a un qui a malheureusement dû fermer et nous quitter il y a 2 ans. Mais on a un pôle qui essaie de se créer, que ce soit la mairie de Cannes, en collaboration un petit peu avec Nice aussi, ils se font un petit peu la guerre, où ils essaient de fonder un nouveau hub dans les industries créatives de façon générale, et ça inclut le jeu vidéo. Nous, on a eu la chance de rejoindre un tout nouveau campus universitaire qui est relié à un pôle d'entreprise, ce qui fait qu'on est en contact avec des étudiants, ça nous permet d'avoir... des stagiaires et d'avoir une sorte de pollinisation croisée avec ces étudiants et ces différents diplômés qui sont tous des passionnés du jeu vidéo. Donc on espère, nous, en mettant notre marque, développer un tout nouveau hub dans ce bassin cannois. On va parler désormais de Ivy. Qu'est-ce qu'Ivy ? Ivy, c'est un Tower Defense, mais qui va ramener aussi le FPS. Là où on va avoir habituellement un Tower Defense, un chemin que les ennemis vont suivre, des constructions, des pièges et tourelles à placer pour les arrêter, et ensuite une phase passive, bah cette phase passive, le joueur va se retrouver actif dedans, qui va se battre au milieu de ce champ de bataille où il aura piégé, avec différentes armes, le tout sur un ton science-fiction léger, un peu décalé, humoristique, avec parfois des armes qui peuvent sembler un peu loufoques, mais qui donnent l'option à de nombreuses stratégies et de nombreux builds aux joueurs. Donc du coup, vous faites sauter la phase passive des Tower Defense ? Exactement. Alors, on va la retrouver très légèrement parfois dans les phases de construction. Il va quand même y avoir cette réflexion tactique qu'il va falloir mettre en place, réfléchir à quel type de construction on va employer dans notre niveau, s'adapter par rapport à l'environnement qu'on trouve, une petite phase d'exploration, prendre les repères. Mais une fois que le niveau se lance, on va enchaîner les vagues d'ennemis sur vagues d'ennemis avec des petits temps de repos pour pouvoir réagrémenter de nouveaux pièges parce que les ennemis vont se faire de plus en plus nombreux. Et on essaie de rythmer le tout pour que ça puisse donner une expérience intense, puissante, plaisante aux joueurs, sans non plus le surmener ou le fatiguer. Est-ce que c'est difficile de développer un Tower Defense en 3D ? Alors, on n'est pas les premiers, mais c'est vrai que c'est très rare. Et je pense qu'effectivement, c'est parce que c'est assez complexe, que ce soit sur les réflexions de qu'est-ce que le joueur peut voir, il n'a pas une vue complète sur tout ce qui se passe, ça peut être difficile d'être partout en même temps. C'est souvent des jeux où on retrouve beaucoup d'éléments combinés qui interagissent. Les plus connus vont être Orc Must Die, Sanctum a tenté en FPS en 2011, il y a très longtemps maintenant. Mais on s'est dit que c'est un challenge qu'on voulait surmonter. On avait l'idée, on avait un prototype qu'on a développé dans lequel on s'amusait. Et on s'est dit, on peut ramener du nouveau dans ce genre pour amuser et faire vivre nos rêves aux autres joueurs aussi. Est-ce que le projet a toujours été un Tower Defense croisé avec un FPS ou est-ce qu'il a évolué au fur et à mesure du temps ? Très bonne question. Effectivement, ça ne partait pas tout à fait là-dessus au départ. On était au tout départ toujours sur le FPS, mais on voulait tenter un Metroidvania. Ça nous a semblé un peu compliqué comme première ambition. On s'est rendu compte que c'est quand même à très grande échelle. En faisant un peu le point, on s'est dit que ça allait faire des développements très longs, très coûteux. Donc on a voulu réduire le scope. On s'est dit, comment on peut ramener quelque chose d'un peu innovant au FPS ? C'est là qu'on a eu l'idée du Tower Defense. Alors ça a beaucoup évolué là où maintenant on est vraiment strictement dans des niveaux de Tower Defense. On avait un sorte de système de phase d'attaque où on allait envahir ou prendre le contrôle d'une base qui allait ensuite s'enchaîner sur une phase défensive qu'il va falloir piéger par rapport à des ennemis qui envahissent. Ça faisait confus, ça n'était pas forcément très clair. Donc on a voulu rendre concis, faire des mécaniques qui se comprennent, qui sont intuitives et faciles à prendre en place. Et ça donne le Ivy qu'on a maintenant. Pourquoi Ivy ? Très bonne question. Alors, ça vient d'une blague initialement. Donc, le projet vient de petites game jam qu'on se faisait dans le studio en interne pour un peu trouver des idées, créer des mini prototypes sur des idées. Et il y en a une qui était sur, je ne sais plus exactement comment c'est arrivé, mais la blague d'un robot qui s'appelle Albert Einstein. Je joue de Albert Einstein. Et ça a, au cours du temps, évolué parce qu'on l'avait nommé Albert Einstein 4, je ne sais plus pourquoi. Et on a voulu faire changer ça en 6 pour faire VI. Et on s'est dit, bah, on peut faire l'acronyme AI, ça joue un peu sur les robots. Et c'est devenu un peu son nom de code. Et ce nom de code, eh bien, vous allez pouvoir le retrouver très prochainement. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une date de sortie pour le jeu ? Oui, si tout se passe bien, vous pourrez jouer à Ivy dans le mois de février 2026 pour la rentrée. N'hésitez pas, la page Steam contient déjà une démo pour ceux qui veulent l'essayer à l'avance et pouvoir se donner une idée de qu'est-ce que ça sera. Et on espère retrouver beaucoup de joueurs et votre communauté, on a hâte de voir vos retours. Eh ben merci Brice, donc on rappelle Ivy, c'est développé par Out of Time. Et si l'expérience vous intéresse, il y a une démo bien sûr, et si le jeu vous intéresse vraiment, il y a les wishlists. Rappelle que c'est le meilleur moyen de soutenir les développeurs et les développeuses. Et parlant de développeurs et développeuses, on se retrouve demain pour une nouvelle interview. Donc à demain.